tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, mesdames et messieurs, après une autre belle semaine, nous voilà de retour à Puissance Maximale pour vous parler jeu. Et ce, et c'est votre serviteur, Michael Michaud, qui va faire ça en compagnie de mon collaborateur de toujours, Monsieur Andrew Castegan. Comment ça va, Andrew? Bien, maître. Et là, Andrew, cette semaine, on parle pas mal juste de nouvelles ludiques ensemble. Donc, on va faire ça comme et ça. Et on va parler de notre rencontre avec une tarasque. Ouais, d'ailleurs... Pour ceux qui connaissent la fameuse Tarasque, créature mythique des mondes médiévales fantastiques, surtout dans Donjons et Dragons, nous avions une partie hier de Pathfinder. Et jeu excellent. Jeu très très bon système de jeu. Et ben pendant une rencontre fortuite comme ça, on se promenait en aigle géant. Et Andrew a brassé les dés pour la rencontre au hasard là dans les terres sauvages et il a brassé 3%. Et en bas de 5%, on a des chances de tomber sur une tarasque. C'est ce qui est arrivé. Et nous étions dans les airs et elle ne nous a pas vus. Donc, nous avons dévié tranquillement de notre chemin pour aller dormir c'est, plus c'est loin. C'est la première fois en tant que joueur que j'ai la chance de rencontrer une tarasque en Random Encounter. Effectivement, moi aussi. Puis moi, je joue Chrome, grand barbare, assez fort physiquement, une bête. Là. Je tape très, très fort avec mon marteau géant. Sauf que c'est une des rares fois dans cette partie depuis que je joue Chrome que je fais je pense qu'on ira pas. Non, on avait même rencontré un régiment de chevaliers les Hell Knights, je ne me rappelle pas quelle gang là dans Pathfinder puis je comprends pas, ils trossent pas le mage. Non, faut toujours se méfier du mage. Je l'ai toujours dit. Mais je sais pas, ils ont pas trippé tant que ça sur ils ont pas aimé Chrome non plus parce que j'étais baveux puis là j'étais pas sûr non plus de ce coup-là d'aller me battre contre 20 chevaliers en full plate tout d'un coup. Mais bon. On s'apprête à faire la même chose avec des orques. Ouais, c'est vrai. Bref, mesdames et messieurs, voilà, vous connaissez les palpitantes aventures de Chrome et Zirul. Chrome et ses compagnons. Ouais, c'est ça. La compagnie de Chrome. Non, c'est pas. Donc, ça va être la compagnie du gigot. Du gigot. Pourquoi? Aucune raison. D'accord. Donc, ce sera la compagnie du gigot. Non, on va dire ça à Luc, qui est notre troisième joueur. Je suis sûr qu'il va beaucoup apprécier. Rapidement, mesdames et messieurs, après cette anecdote des plus savoureuses, je vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Sur ce site, vous trouverez bien évidemment toutes nos anciennes émissions. D'ailleurs, je m'excuse pour l'émission de la semaine passée, elle n'est pas encore en ligne. J'ai un problème avec la mise en ligne de l'émission depuis 2 jours. Donc, dès que ça se règle, dès que le site sur lequel on poste l'émission va l'accepter, ça sera en ligne. Donc, en même temps, peut-être que celle que vous entendez présentement. Donc, je répète, www.puissancemaximale.com pour les anciennes émissions, podcasts, entrevues. Vous pouvez tout voir ça sur notre site. Il y a aussi la page Facebook. Donc, vous allez sur Facebook et vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche et vous allez pouvoir nous trouver très facilement. Il y a toujours la possibilité de chatter en ligne avec notre fidèle metteur en onde des chroniqueurs, M. Castegan, en ajoutant M. Castegan à vos amis Facebook. Oui, je suis là, je vous attends. Là. Donc, vous pouvez aller chatter avec lui en ligne. Mais en plus, il fait pas très beau dehors, il fait froid. Là. Restez donc en dedans, là, puis prenez une petite bière tranquille en nous écoutant et allez parler avec M. Castegan pour vous faire commentaire lors de l'émission, encouragement ou simplement des messages disant que vous nous vénérez. Nous les acceptons également. Et j'accepte les idoles en or. Aussi, parce que ça vaut cher. Donc, puissance maximale dans la barre de recherche de Facebook, vous allez nous trouver facilement. Bien évidemment, allez appuyer sur le bouton « J'aime » parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs, je le dis à chaque semaine, mais c'est vrai. Et en plus, ça vous permet de recevoir des nouvelles en exclusivité, plus rapidement que les autres, et les sujets de l'émission à peu près vers 3h l'après-midi, là, le jeudi même, là, grâce à ça. Vous avez tout ça en exclusivité. Et bien évidemment, il reste quelques jours seulement pour faire un don à puissance maximale via le site Indiegogo. Vous avez le lien partout sur le site avec les anciennes émissions et sur le Facebook. Faites-moi plaisir. Donnez juste une pièce pour qu'au moins on dégèle du montant qu'on a, là, ça serait... Mais quand même, je tiens à rassurer les gens, on a eu beaucoup d'aide en dehors d'Indiegogo. On vous fait quand tout sera terminé, on fera un petit bilan. On a eu beaucoup d'aide qui va quasiment nous permettre d'avoir tout ce qu'on voulait. Donc, on va pouvoir vous donner ça, mais ne vous gênez pas, on a quand même besoin de sous pour pouvoir justement finir avec ce qu'on a besoin. Donc, gênez-vous pas, indiegogo.com, là, allez voir ça. Vous allez voir ça sur le site. Et on rappelle aussi que ce n'est pas en relation avec la station Sekaya, parce que Sekaya organise déjà son radioton du mois d'octobre auquel Puissance Maximale va participer, bien évidemment. C'est vraiment ce qu'on vous parle pour le financement, c'est seulement pour l'émission Puissance Maximale. Et rapidement, nouveau site internet, c'est pour du matériel aussi, pour partir en itinérance, faire des émissions à l'extérieur des studios, pour aller dans les événements spéciaux geek partout au Québec pour vous préparer des petites émissions un peu plus spéciales. Voilà, c'est ce qu'on veut faire avec cette campagne. Donc, on vous remercie d'avance. On remercie déjà les gens qui nous ont déjà donné des sous. Et, M. Castegan, comme à notre habitude, avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons écouter de la musique. D'accord. Toujours. Et quel sera le titre de la première chanson? Mémoire de singe. Et oui, Mémoire de singe du groupe Lophophora, groupe de punk hardcore français. On vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. No! passe jusqu'à extinction de la race. Au-delà de l'imagination et de l'entendement, vous n'en croirez pas vos yeux écarquillés d'étonnement. Devant cette ultime occasion, ne soyez pas en reste. Faites la queue comme tout le monde, prenez vos tickets à la caisse. Toujours plus fort, encore plus loin. On recule devant rien. N'ayez pas de regrets, on en aura bien profité. C'était le prix à payer, nous reste à finir en beauté. Non, personne ne saura jamais ce qu'on aurait pu faire, ce qui restait à essayer. Hallo, ich bin Peter Eckert von den Eckert-Spielen aus Hamburg. Und wir hören jetzt Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente chanson de Lofofora. Et mesdames et messieurs, nous irons en nouvelle ludique. Juste avant, on a vu Laurence là, qui a posté sur Internet nous proposant de manger avant de faire des émissions de radio. Comme ça, on ne sortira pas des noms de compagnies comme la compagnie du Gigot. Et on a mangé. On a grignoté, mettons. Ben, trois onigiri, j'appelle ça manger, moi. Ben non, c'est pas assez. Mais, mesdames et messieurs, non, vous saurez qu'on... avec des onigiri du Fanamanga, il n'en en a jamais assez. Non. D'ailleurs, on les salue. D'ailleurs, on salue les gens du Fanamanga. Et, ouais, c'est ça, c'est rare, en fait, mesdames et messieurs, qu'on mange avant de venir à l'émission. Nous, on sort de nos boulots respectifs. Après ça, on s'en vient finaliser de préparer l'émission, puis on est en onde tout de suite avec vous. C'est assez rare, en fait, qu'on mange avant l'émission. Et ça pour éviter de roter. Ouais, mais c'est ça. On sait jamais ce qui peut se passer pendant qu'on digère. Donc. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, éviter de dormir pendant l'émission aussi. Oui, parce que à l'heure du souper, un jeudi soir, on a tendance à manger trop lourd. Donc voilà. Vous savez tout de nos vies, mesdames et messieurs. Donc merci quand même, Florence, de ta suggestion. Mais passons aux nouvelles ludiques, monsieur Castegan. Oui, ben premièrement, la semaine passée, on avait parlé d'une mise à jour de la PS3 qui risquait de bloquer votre console. Oui. Et la transformer en brique. Oui, parce que ça aurait été la dernière utilité que ça aurait pu avoir. Ou un très charmant presse-papier. C'est bon, ça. Mais bref, tout ça pour dire que Sony ont sorti un nouveau firmware pour... Oui? Non, j'ai rien dit. Donc, donc, ils ont sorti un nouveau firmware pour la console. Exactement. Et une procédure, un guide permettant aux utilisateurs qui ont... Oui, vas-y. Un guide d'utilisateur permettant, dans le fond, de rentrer dans le mode sécurisé. Andrew va se calmer, là, puis après ça, on va pouvoir continuer les nouvelles ludiques, hein, Andrew? Le langage physique, hein? Voilà. Mais bref, un guide pour entrer dans le mode sécurisé de la console pour pouvoir installer le firmware sur la console. Ouais. Le nouveau firmware pour ainsi débloquer la console et éviter d'avoir acheté une nouvelle console. Mais c'est justement là, ça va pouvoir rentrer, même les briques vont pouvoir régler, ça va pouvoir régler le problème des briques. Exactement, la brique va reprendre vie et devenir un golem impressionnant. Un golem électronique de retour de parmi les morts et pour nous permettre de jouer. Merci Ando pour cette magnifique... Ça a pris combien de temps finalement à Sony de sortir de bord par rapport à ça? À peu près une semaine et demie. Calvaire, c'est long. Ouais, ben ça, on sait pas exactement la faille c'était quoi là. Je m'excuserai. Mais c'est quand même, non. Moi, personnellement, je trouve que c'est long quand t'as une update de l'OS de ta console qui fait que ben ta console devient une brique. Moi, je sais pas, là. Mais personnellement, je trouve ça assez majeur. J'imagine que c'est pas un gros taux. Non, c'était pas un haut pourcentage de console. C'était pas assez bas pour dire que ça n'allait pas s'en occuper, mais c'était pas au point que ça soit alarmant. C'est long, pareil. Ben, c'est ça. T'es dans le cas du monde qui avait pas eu le problème de la console briquée, ils s'en foutent un peu, là. Mais t'es dans le cas de quelqu'un, effectivement, qui est en train de jouer, puis la première heure que la mise à jour est sortie, il a fait « Hey, je vais faire la mise à jour », puis il brique sa console, j'avoue qu'une semaine et demie... C'est long. C'est long. Ben, surtout quand t'as pas de nouvelles, tu sais pas ce qui va se passer avec ta console. Si elle restera console, ou si elle deviendra un objet d'art, ou... Un mur, peut-être. Tu fais un mur de briques, là, puis tu mets une plaie 3 à travers. C'est concept. Ben, ce serait pas efficace, là, mais bon. que veux-tu. Donc, merci Andrew pour cette nouvelle. J'imagine que tu en as une autre. Oui. Mais excusez-moi, c'est ça qui arrive quand on mange. Et voilà. Avoir un léger fou rire ou ça en même temps avoir une nouvelle. Mais tout ça pour dire The Last of Us. Naughty Dog a été obligé de faire des excuses. Et oui, quand même, pour une drôle de raison. En fait, c'est qu'on trouverait sur un tableau dans le jeu un numéro, ce qu'on appelle en France de ligne rose, mais ce qu'on appelle par ici un numéro de ligne érotique. Mais d'après ce qu'on sait, c'était pas, en fait, c'était pas voulu. Les gens qui ont mis cela savaient pas que c'était un numéro de. Ils ont mis un numéro au hasard, c'est quoi? En fait, c'est qu'ils sont arrivés pour mettre un numéro au hasard. Puis, dans les films, on voit ça souvent. Ils prennent un numéro, puis dans le fond, l'indicatif régional, ils mettent 555. Parce que c'est pas un vrai indicatif régional. Sauf qu'eux autres, ils se sont dit, on va faire ça, mais ça va être un numéro 1-800. Et ça a l'air que ça s'applique pas, cette règle-là, un numéro 1-800, fait que ça tombait directement sur une ligne érotique. Ah! Puis là, ben, il y a eu des petites plaintes qui ont été acheminées à... Moi, premièrement, j'ai une chose à dire, c'est... Moi, quand je joue à un jeu, ou j'écoute un film, je vois un numéro de téléphone, mon réflexe premier, c'est pas de prendre mon téléphone puis d'appeler. Ah, mais bon. C'est sûr qu'il y en a qui le font. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais on s'entend-tu que t'espères que ça soit pas un numéro valide? Parce que si, mettons exemple, s'il y a quelqu'un que ce numéro-là, il doit être tanné de se faire appeler. Et effectivement. Mais malheureusement, malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres, c'était un numéro de ligne érotique. Il y en a peut-être qui en ont profité. Qui sait? Mais bref, ils l'ont changé... Ils l'ont changé. Ben, ils vont le changer ou... Lors d'une mise à jour, okay. Ils vont refaire la texture du tableau blanc. Ah, voilà. Peut-être enlever le 1-800. Ah, peut-être. Qui sait? Merci beaucoup, M. Castigan. Ça fait plaisir. Une autre nouvelle avant de retourner en musique. Une date de sortie pour Dynasty Warrior 8. Oh, oh! On sait que M. Castigan est friand de la série Dynasty Warrior. C'est pas qu'à chaque fois j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle, mais on parle du 18 juillet 2013. Hey, c'est dans pas long, ça. Non, pas long. Ça sent l'achat. Tellement. Ça sent la critique, ça, M. Castigan. Tellement. T'as pas idée. Bon. Dans le même genre de jeu, là, tu me parlais pas de Orochi Warrior aussi, qui s'en venait? Oui, Warrior Orochi. Warrior Orochi, le 3, je pense. Bonne question, on va te dire ça. Ben, M. Castigan va aller regarder ça pendant la pause musicale. On va vous revenir tout de suite après ça. Et quelle chanson, M. Castigan, nous allons aller voir? Ben, en fait. Oui, je vais réouvrir ma console de musique. Ça va bien ton affaire. Faire un fondu incroyable. On parle de Rose la Tulipe. Oui, Rose la Tulipe du groupe Mes Aïeux. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Danse, danse, danse, ma bergère joliment, que le plancher en rompe. Cette nuit, la belle ne s'est pas endormie. Cette nuit, la belle a trop pris d'ecstasy. Cette nuit, la belle rêve tout éveillé. Cette nuit, la belle nous a tous oubliés. Ils sont trois capitaines déguisés en martiens qui veulent lui faire la cour en parlant avec leurs mains. Ils sont trois capitaines dans leurs plus beaux atours. Ils sont trois capitaines qui veulent lui faire l'amour. Danse, danse, danse, la bergère joliment. Que le plancher en rompe. Danse, danse, danse, ma bergère joliment. Que le plancher en rompe. Le plus jeune des trois, plus vite sur le piton, dit la belle, mec, ça débosse, je t'invite dans mon futon. Jeune des trois qui joue à l'étalon, mais la belle est possédée par le senti violent. Oh la belle, écoute-moi, car je suis bon garçon. Le smart drink que tu bois, c'est rien qu'un piège à con. Le rythme qui te prend, c'est la voix du démon. Moi, je te prendrai pour épouse si tu viens à la maison. Yeah! Que le plancher en rompe. Danse, danse, danse, ma bergère joliment. Que le plancher. et la belle. Je ne veux pas de mari, l'amour je n'y crois pas, ma coupe me suffit. La vie est éphémère, je ne veux pas de mari. Maintenant laisse-moi montrer que pour fini, je retourne en enfer. Oh la peine, tu es cruelle, tu continues à danser, moi je reste dans mon coin. Et je vais t'observer, je t'ai vu au moment où t'aurais dû dire non. Quand le grand méchant loup t'a offert d'autres bonbons. Danse, danse, danse, danse, danse, danse ma bergère joliment. Sur le bord de l'overdose. Danse, danse, danse, danse, danse ma bergère joliment. Que ton cerveau explose. Jusqu'à la fin du monde. Danse, danse, danse, ma bergère joliment. Que la galope te fonde. Je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette chanson de mes aïeux qui est Rose la Tulipe. Pour répondre à ta question de avant la chanson. Oui. C'est Warrior Orochi 3 Ultimate sur PS3 et PS Vita, date non confirmée mais titre annoncé. Excellent. Moi, j'aime bien Dynasty Warrior, mais j'ai un fait pour les samouraïs. Puis là-dedans, il y a un crossover. Là. Il y a les deux. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. Donc, quand la date sera annoncée, je serai bien content de le savoir. Ce serait le genre de jeu que j'aimerais bien m'acheter à un moment donné pour ma PS3 pour lui donner encore un peu de vie. Parce que là, on sait que Sony nous a dit qu'il y aurait plein de jeux encore, là, mais dès que la PS4 va arriver, là, l'intérêt ne sera plus là. D'ailleurs, oui. En parlant de la PS4, oui. Est-ce que tu savais qu'il y a des preuves comme de quoi que la PS4 était planifiée pour être vendue le même prix que la Xbox 360, la Xbox One? Ben, je savais pas, mais ça m'étonne pas. En fait, il y a eu des images qui ont sorti du kit promotionnel qui aurait été fait de la PS4 avant le E3. Donc, c'est des vraies sources et ce n'est pas Photoshop. Oui, ils montraient la console avec tout le nécessaire qui venait avec et la petite caméra, le PlayStation Eye, là, qui venait avec. Là. Et c'était au prix de $499. Des choses qui auraient changé, je pense, une semaine ou deux. Bref, très proche du E3 avant l'annonce soit faite. Et ça soulève beaucoup d'interrogations si Sony n'aurait pas pris la décision du DR, d'enlever le DRM, ouais, c'est ça que j'allais suite dire. À la conférence de Microsoft où ils ont vu la réception très mitigée. Ben écoute, ben en même temps, c'est un bon move marketing de l'avoir fait avant l'E3, contrairement à Microsoft qui l'a fait après. Mais ça m'étonne pas trop en fait parce que il y a eu aussi des... Parce que de leur côté, c'était pas clair pour les DRM. Il y avait... C'était pas... Puis encore là, je pense qu'encore pour les distributeurs, côté de Sony, c'est pas clair non plus encore. Mais en tout cas, j'imagine que ça va pas finalement se matérialiser parce que, justement, là, maintenant Microsoft a reculé. Là, je penserais pas que les distributeurs aient à l'angle. Finalement, c'est à contre-courant face aux fabricants de machines. Puis, mais bref, on sait jamais. Mais... Ça m'étonne pas trop de la part de Sony. Puis là, c'est ça. Fait que, dans le fond, il y avait des signes du genre la fameuse vidéo que Sony ont mis en ligne où il dit « Voici les étapes pour partager un jeu » qui a été filmé dans le backstage du E3. Fait que, tu sais, il y a du monde qui font... Ouais, OK. C'est peut-être une décision qui a été faite de dernière minute, là. Ouais, mais c'est drôle pareil. Oui, oui, non, c'est sûr. Non, mais tu sais, une décision qui a été faite de dernière minute puis aussi, en même temps, ben... Quand ils ont montré la présentation, ben, t'sais, la diapo qui disait qu'il n'y avait pas de DRM était beaucoup moins travaillée que le reste de la présentation. Fait que c'est ce genre de petit signe-là là, que le monde il se demande si ça n'aurait pas été une décision qui a été prise. Mais en même temps, au moins, comme je l'ai dit, ça a été fait avant le E3. Ben, en fait, donc, pendant le E3. Pendant, mais bref, avant que ça devienne public. Contrairement à ce que Microsoft a fait. Mais quand même, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Mais il faut jamais oublier, mesdames et messieurs, qu'avec nos fameuses consoles maintenant, depuis la PS3, la 360 et la Wii, ils ont accès à Internet. Donc, il y a toujours possibilité qu'il y ait une mise à jour de vos consoles et que finalement, vos consoles n'acceptent que les jeux finalement qui s'enregistrent et blablabla. Ça peut toujours changer ça, au cours de la vie de ces prochaines consoles-là, de cette prochaine génération. Il y a toujours la possibilité de... Ça n'est plus dans le matériel, ça se fait dans le logiciel maintenant. Donc, s'ils décident de nous passer ça à... Tu sais, non, il n'y en aura pas. On a tout ça. Puis là, après 3 ans, 3-4 ans, ils décident que là, c'est ça. Allez-vous vous séparer de votre console? Allez-vous vous séparer de votre librairie de jeux, de votre collection? Ça m'étonnerait bien gros. Il y a toujours cette possibilité-là. Je ne suis pas alarmiste ni un amoureux des conspirations, mais faut jamais oublier qu'il y a toujours cette possibilité. Hein? Avoue que ces paroles de sagesse... J'ai cru voir Socrate. Tu pensais entendre Moïse sur la montagne. Et après, c'est justement ces paroles de sagesse. Une autre nouvelle, M. Castegar. Oui, on va aller surfer dans les contrées très appréciées de notre part de Kickstarter. Oui! Nouveau titre de American McGee. Créateur des jeux Alice sur PC et console a annoncé son prochain titre Ozombie, qui est dans le fond le même concept que Alice, mais avec le conte de Oz. T'es dans le fond le magicien. Donc on parle d'un genre d'univers steampunk lugubre avec des petites références Lovecraftiennes un peu, donc toutes ces affaires-là. Donc pour les consoles nouvelle génération actuelle et tablette, si le Kickstarter est atteint, et on parle d'un objectif de 950 000 $ demandé par l'équipe, et on est rendu à 94 153 $ de ramassé. Il reste 38 jours. Ça vient de commencer, finalement. Ouais. Bon, ben, go! Pour les amateurs de ce genre de jeu et de ce studio, c'est une bonne nouvelle. C'est toujours le fun de pouvoir participer comme ça personnellement au projet des développeurs. Ça ouais, donne tout le temps des petits goodies de plus en plus. C'est à cause qu'en fait, le jeu Alice, c'est que ça avait été republié par un gros studio, là. Alice Madness Return, je pense que c'était EA. Je pense qu'il était le distributeur. Je m'en rappelle. Oui, c'est ça. EA était le distributeur. Et, il y a eu des bugs. Il y a eu des affaires sur le contrat que American McGee n'a pas vraiment aimé. Et ils ont décidé, screw you, EA. We're going independent. Pas fou, ça. Fait que, on leur souhaite bonne chance. Effectivement, on aime ça, les gens qui ont des couilles comme ça dans l'industrie du jeu. Oh, mais je suis convaincu qu'ils vont l'atteindre, le montant. Je sais juste pas. Combien de plus ou dans combien de temps, là? Il va l'atteindre. Il va l'atteindre. Donc, après, peut-être une dernière nouvelle avant de partir. Saints Row 4. Oui. Banni d'Australie. Pour le moment, parce que, mesdames et messieurs, vous connaissez un peu la série Saints Row, donc ça ressemble à, un Grand Theft Auto version style arcade. C'est gras, c'est vulgaire, c'est violent. Et dans la le prochain titre là, qui est annoncé pour, rappelle-moi la date, M. Castellan. 23 août. Donc, au 23 août. Il y aurait des scènes particulièrement violentes dans ce titre de la série Saints Row. Et les Australiens ont dit leur un peu... Leur organisation de classement de jeux extrémiste. Ouais, parce que ça arrive souvent en Australie qu'il y a beaucoup de jeux, qu'il y a des jeux qui sont bannis. Ben, ils ont décidé que Saints Row, malgré le fait qu'il ait été nommé 18 ans et plus, ben non, même pour les adultes, vous n'aurez pas le droit d'y jouer. Mais. Parce que c'est un jeu immoral. Ouais, immoral, effectivement. Il y a beaucoup de jeux immoraux. En fait, n'importe quel jeu où il y a quel que soit un peu de violence. Et Skyrim, à la limite, c'est immoral. Non, mais là, ils disent que c'est immoral à cause de violences à caractère sexuel, ouvertement montrées et interactives, justifiées. Jugées injustifiées dans le contexte du jeu. Mais en tout cas, bref. Mais. Mais je pense. Qu'est-ce qui a fait déborder la goutte du vase, là? Tu sais, c'est quoi? Vas-y donc. Il y a de la drogue. Ah non. Dans le jeu. Pas de la drogue dans une histoire de gang de rue. Et pas n'importe quelle drogue. Des drogues interdites. Ah non, pas ces drogues-là, Andrew. Oui. Dis-moi pas qu'il y a ça dans un jeu de gangstérisme. Mais oui, mais surtout des drogues interdites. C'est les pires. Ça. C'est les pires. Donc, mais je pense que les studios sont en train de retravailler le jeu pour qu'il soit... Ouais, c'est ça, il y a une mise à jour. C'est, ils vont retravailler le jeu pour supprimer les passages qui ont gêné l'organisation et... Donc, ça veut-tu dire qu'il va y avoir un Australia Edition? Mmh, ça va être tout le monde. Je sais pas, mais j'ai déjà vu des compagnies qui faisaient des Australia Edition. Mais je sais pas si Saint-Trou va faire ce genre d'approche-là ou s'ils vont juste faire. Bah... Ils vont tous changer le jeu d'être. Qui sait? Mais bref, c'est toujours drôle de voir nos amis australiens qui sont. Ben, remarque, tu sais. J'avoue que violence à caractère sexuel interactive, j'avoue que moi-même, j'ai des doutes. Je suis pas trop. En tout cas. On verra. Sait jamais. S'il y a une Australia Edition puis qu'on a la version non censurée, on s'en reparlera le masque quand ça va sortir, parce que j'aime bien ce jeu-là aussi. Donc voilà, c'est très divertissant. C'était une autre nouvelle ludique juste avant, mais juste avant qu'on passe en musique, c'est ce que nous allons faire à l'instant. Et quelle chanson on va aller écouter, Andrew? Gotta Run, Be The One, Brental Floss, plus The Megas. Oh oui, The Megas avec Brental Floss, qui en fait qui est une reprise d'une tune thème d'un des tableaux de Megaman. Oui, je pas dans avec des paroles. Puis. Tu vas voir, ça rock. C'est une de mes tunes que j'aime beaucoup, premier album. J'adore cette... Oui, qu'on pouvait retrouver sur le premier album de Brental Floss. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, d'ailleurs. Tu vas me faire vibrer ma fibre. De fan, juste avant Con Bravo. Ouais. Et vous allez entendre ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. The first and second levels of Wily's Castle in Mega Man 2 had lyrics. What if I sang them in part, but also singing the lyrics and performing the accompaniment was the Megas? What about that? Tell him, Josh. In the year 2000X, Dr. Light created a super robot named Mega Man. Mega Man defeated Dr. Wily once. Now, Dr. Wily has created 8 new robots of his own. Gotta run now. Put on your black helmets. thinks he's dreaming, but he ain't. Your mustache. Now, Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette chanson de Brental Floss et des Megas avec Gotta Run Now and I Gotta Be the One, genre de mix de Le Deuton. Et M. Castegan, on va faire une petite surprise aux auditeurs de Puissance Maximale. On va leur faire une petite critique de film. Mais juste avant, on vient de voir ça sur les internets, une petite photo troublante. Oui, premièrement, information à prendre avec de grosses pincettes. C'est pas confirmé, c'est une photo qui circule sur Internet, c'est des rumeurs, on sait pas. Mais... C'est ça, puis premièrement, t'es juste pour vous remettre en situation, Xbox avait parlé, dans le fond, d'une sortie de Xbox One des alentours du mois de novembre. On parlait des alentours du 10-13, c'était dans ces alentours-là là, à peu près, là, t'sais, c'est pas coulé dans le béton là, mais t'sais, on parlait dans ces alentours-là, et là il y aurait une image qui circule sur internet, une affiche d'un magasin que je sais pas où est-ce qu'il se trouve, qui s'appelle Media Mart. Mark, bref, ça a l'air anglophone. Et c'est un poster de PlayStation 4 avec release 13 novembre 2013. Donc, il y aurait peut-être une possibilité que ça sorte comme la même semaine, même le même jour que la Xbox One. On dirait. Ça jouerait dur dans les magasins cette journée-là, je pense. Il y aurait du monde dans les magasins de jeux vidéo qui trouveraient leur journée longue. Mais je pense que c'est jamais arrivé que deux consoles se lancent en même temps. Il y a peut-être quand même au moins un mois de différence. Au moins. Mais bref. Si Sony pousse l'audace à ce point-là... Moi, je vais rire. J'ai hâte de voir ça, ce qui va se passer à ce moment-là. Mais bref, une petite on vient de voir ça sur les internets. Là. On voulait vous faire profiter de ça. On sait jamais. Qui sait? Donc, peut-être au mois de novembre pour la PlayStation. Mais bon, rumeur... À prendre avec des pincettes. Tout plein. Donc, mesdames et messieurs, après cette rumeur, justement, nous allons passer une critique comme ça impromptue, parce que moi et M. Castegan, on s'est rendu dans un cinéma près de chez nous, et on est allé voir de Man of Steel, donc le nouveau film de Superman. On va vous en parler un peu. Écoutez, Superman dans ce film-là, et vous connaissez tous un peu l'histoire de Superman, donc Superman venant de la planète... Caillou vert qui glow, pif paf pouf, plus de ville. Ouais, voilà, c'est fini. Non. Donc, Superman, habitant de la planète Krypton, et cette planète, au moment de la naissance de Superman, est sur le point d'exploser pour X raisons. Dans ce film-là, les Kryptoniens ont pris beaucoup trop des ressources naturelles de la planète et le noyau en fait, est implosé. Ouais, ben c'est ça. Je pense que c'est implosé. Mais bref, elle se détruit. Pour se devenir un trou noir. Non, ben pas dans le film. Ça a vraiment pété aux frettes. D'ailleurs. Ouais, mais avant qu'elle pète, justement, elle fait pas un genre de. Puis après ça. C'est un détail, moi, je pense à ce niveau-là. Faudrait qu'on envoie le film. Juste pour confirmer ça. Donc, la planète est détruite à cause, justement, là, du noyau, finalement, qui s'effondre, si on peut dire ça comme ça. Et le père de Superman, donc Jor-El, essaie d'expliquer ça aux dirigeants de la planète, disant que la planète va être détruite. Et pendant qu'il explique ça au grand conseil, on va appeler ça comme ça, il y a le général Zod, qui est le chef militaire, décide de débarquer là et d'exécuter des gens du conseil pour prendre, justement, le pouvoir. Un peu décidé, justement. Lui est conscient aussi que la planète s'en va vers sa perte, sauf qu'il n'y a pas la même façon que Jor-El de gérer tout ça, finalement. Donc, Jor-El, finalement, se sauve, décide d'envoyer son fils, Kal-El, loin. Il décide de l'envoyer sur Terre pour qu'il puisse normalement survivre. Ça, c'est dans les films, les anciens films avec Christopher Reeve, qu'on connaît. Sauf que dans cette version-là, en plus de le sauver de la destruction de la planète Krypton, il veut aussi l'envoyer sur Terre pour un peu qu'il guide les humains, pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que les Kryptoniens. Donc, il l'envoie, il arrive sur Terre, et vous connaissez un peu l'histoire qui ressemble à... Donc, il arrive sur Terre, il est recueilli par les Kent, donc une famille... un couple de fermiers de l'Arizona qui décide de recueillir Kal-El et de l'appeler Clark et finalement de s'en occuper finalement il va devenir leur fils adoptif. Et là dans le film, on voit Clark jeune, Adolescent, après ça. Ouais, adolescent un peu, mais vraiment pré-adolescent. Puis après ça, on le voit à l'âge adulte et qui va devenir finalement... Finalement, c'est basé beaucoup sur le dilemme de est-ce que moi, Clark, le gars qui est capable de lever des autobus, résister à plein de trucs, qu'il y a des rayons qui sortent des yeux et tout, est-ce que je dois me dévoiler à l'humanité comme telle? Ce que j'ai trouvé très intéressant. Excuse-moi, il faut que je fasse une parallèle. Oui, c'est juste parce que je viens de penser à de quoi... Quand t'as dit qu'il est devenu adulte, on a même eu le droit avant le film à savoir quelle marque de rasoir qu'il utilise. Ouais, il y avait comme une pub de Gillette, je pense, qui genre de pub. Juste un peu avant le film, là, ils vont pas nous passer une pub de Superman. On vient voir le film, puis finalement, ça finit. En fait, on a même pas eu le droit à des pubs. Non, on a juste eu un on a trailer. Eu des publicités, un trailer, puis une affaire de Gillette, puis on avait. C'est tout? J'étais déçu. Mais ça, l'affaire de Gillette, c'est comment Superman sera? Pour le savoir, rendez-vous à telle adresse. Sa barbe résiste au feu! C'est ça, je fais calvos. Mais bref, ça, dans le film, c'est beaucoup basé là-dessus. Ce que j'ai quand même trouvé intéressant, c'est toujours le fun d'avoir le côté, finalement, humain, même s'ils ne sont pas des super-héros, leur côté, justement, personnel. Et puis là, le seul... Un gros hic, j'en ai parlé à Andrew, ça a ressorti sur Internet dans des critiques, entre autres dans la presse la semaine passée. Est-ce qu'on avait affaire à un super Jésus? Parce qu'il y a beaucoup de parallèles à faire, entre autres avec le fait que son père décide de l'envoyer pour sauver les hommes, et aussi le fait que, quand on arrive à l'âge adulte de Superman dans le film, il a 33 ans, comme le Christ. Puis c'est vrai, il y a vraiment un langage... En tout cas, tu sais, il y a aussi le parallèle avec les hommes qui vont le martyriser, puis qui leur dit, écoutez, ils savent pas ce qu'ils font. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup dérangé. Surtout le bout où il a dit, j'ai 33 ans, je me suis reviré vers un autre, il a le même âge que Jésus, là. C'est un petit peu ridicule. Puis il y a même, en plus, il y a des gens qui ont monté des blogs. Puis même, j'ai lu dans le journal, entre autres, là, justement dans la presse, que c'était financé par Warner. C'est des blogs pour donner du jus, genre, à des preachers américains pis à des chrétiens pour leur donner des parallèles entre Jésus pis Superman, pis c'est un petit peu malsain. Ça m'a un peu gâché mon plaisir, je dirais. L'autre côté qui m'a gâché un peu mon plaisir dans le film, c'est que là, les méchants débarquent et le général Zod a été emprisonné, sauf qu'à l'explosion, leur prison est endommagée, ils sont libérés, ils arrangent le vaisseau où ils sont, pis ils transforment justement pour qu'ils puissent... partir à la recherche de Kal-El, parce que Kal-El, ici Kal-El, Superman / Clark Kent, ben quand il est parti, le père de Kal-El a laissé avec lui le codex qui finalement, parce qu'il faut dire que Krypton dans cette version-là, il faut dire que je connais pas beaucoup Superman, je connais pas les nouvelles versions, dans cette version-là, Krypton gère la naissance de ses enfants de façon artificielle et leur assigne un rôle dès leur naissance, tout va être paysan, toi tu vas être militaire. C'est génétique. C'est ça. Ils mettent un code génétique finalement dans l'enfant. Puis quand il vient au monde, ben, il a ce rôle-là toute sa vie. Puis il ne sait faire que ça. Voilà. Et Kal-El, lui, Superman, serait né de façon naturelle, le premier enfant à naître de façon naturelle depuis des siècles et pour le laisser libre de ses choix. Et là, c'est une hérésie selon le général Zod. Et là, il a su finalement que le codex était parti avec Kal-El. Donc lui, il recherche dans tout l'univers pour essayer justement de retrouver le codex et de reconstruire Krypton sur Terre. Donc évidemment, quand ils savent ça, ben pif pif pif, ça se bat. Je résume ça très rapidement, là. Donc après tout ça, de toute façon, ça c'est une des critiques qui est ressortie partout. Ils se battent à Metropolis, là. C'est Ground Zero, il n'y a plus rien. C'est détruit, là, mais à un niveau assez impressionnant. Ce que je trouve un peu plate, il y avait le même problème dans les Avengers. Je trouve que dans les films de super-héros, je veux pas que les films de super-héros soient ultra réalistes, là, c'est des films de super-héros, mais on évacue un peu le côté justement. Nos super-héros deviennent de plus en plus humains avec des consciences puis des préoccupations de plus en plus humaines, mais leur combat reste aussi épique puis aussi, comment je pourrais dire ça, destructeur, sans avoir conscience que si tu te bats dans Metropolis avec tout plein de monde qui ont les mêmes pouvoirs que toi, on parle de Superman, là, ça se peut que tu fasses des morts. Puis des morts collatéraux, des dommages collatéraux, là, comme nos amis militaires aiment bien dire. T'imagines-tu combien de morts il y aurait eu à Metropolis? On les voit pas, par exemple. On voit les gens qui sont pris dans les décombres puis qui survivent. Il y aurait eu des milliers de morts à Metropolis s'il y aurait eu ça. Puis on voit pas ça, donc on voit pas le dilemme que Superman aurait pu avoir à faire. Bon, j'ai fait ça pour les sauver, mais j'en ai tué des milliers en même temps. Mais il fait un cas Non, c'est vrai, je le dirais pas, ça va non, spoiler. On pourra pas spoiler. Je sais de quoi tu veux parler. Effectivement, il y a un petit cas de conscience dans le film, mais je trouve que c'est encore assez centré sur lui-même. Là. On pense pas beaucoup aux gens qui sont sûrement morts. On le dit pas dans le film. Puis il y en a, on les voit. C'est un peu plus graphique, effectivement. Les soldats qui meurent, on les voit mourir quand ils se battent contre les gens. Ouais, à un moment donné, on en a vu un qui se bat désintégré. Ouais, qu'on voit qu'il s'est quasiment transformé. J'ai ri parce que je me suis rappelé de Mike qui s'est retourné pour me regarder et dire c'était le soldat, ça. C'est un soldat qui vient d'exploser. Mais en tout cas, moi, ma critique, j'ai pas été super impressionné. Je mettrais un 6,5, 7, mais pas plus. J'ai beaucoup, beaucoup aimé en tout cas, le jeu. Nous autres, on l'écoutait en français parce que ça ne me tentait pas d'aller voir en 3D puis en 26 000 patentes. Là, je voulais l'avoir straight. Là, on l'écoutait en français. Je peux pas trop dire pour le jeu d'acteur. Mais, OK, pour le physique, Henry Cavill, qui ont décidé de prendre pour faire Superman, ils ont choisi... en tout cas, pour le physique, il l'a. Pour les scènes de combat, ça par exemple. Il a dû s'entraîner en cochon, le gars, pareil. Ouais, quand même. Ben, déjà, le gars, il est assez bâti. Là. Il a joué entre autres dans des séries comme Les Tudors. Il a fait beaucoup de films, beaucoup de trucs historiques, médiévales, épiques, dans ce genre-là. C'est un gars qui est habituellement, dans tous les films, les séries que je l'ai vues, il était assez costaud. Bon choix. Choix mitigé pour Perry White, qui est le rédacteur en chef du Daily Planet, qui ont pris Lawrence Fishburne pour le jouer. Je sais pas qu'il soit black. C'est pas tant un problème. C'est qu'à un moment donné, on voit, il se vire de bord, puis il y a comme un diamant dans l'oreille. Un genre de boucle d'oreille diamant. J'ai pas trop trippé là-dessus. Le fait qu'il soit noir, moi, j'ai aucun problème avec ça, là. Je trouvais, il y avait une face, il y avait la faciès, il avait l'air de bien jouer, mais le diamant dans l'oreille, ça m'a fait un peu décrocher. Mais moi, je disais, il faudrait que Zack Snyder parle avec du monde pour faire un vrai film de Dragon Ball, parce qu'il y avait des situations là-dedans, j'étais que ça fait Dragon Ball, ça. Je pense qu'on pourrait avoir quelqu'un, s'ils veulent refaire, là. Éviter de faire une catastrophe une deuxième fois. C'est ça, mais il pourrait parler avec Zack Snyder, mettons. Mais vous n'êtes pas obligé non plus de faire un live de Dragon Ball, on aime ça animer. Bref, selon moi, un maximum de 7 capes rouges sur 10 pour Man of Steel. Peut-être qu'ils vont faire une suite qui va être... En tout cas, j'ai pas détesté ça, mais je reste un peu sur mon imbécile. Je sais pas, toi, Andrew... Moi, je mettrais 0,5 de plus. Un petit 75%, toi, de ton côté? Ouais, mais moi, ça va être des S. OK, 7 points. Qui signifie espoir. Ouais, c'est pas un S, là. C'est une lettre kryptonienne qui veut dire espoir. Chez la famille des L. Je trouve ça un peu bizarre qu'il s'appelle Cal. Pis... Parce que son nom de famille, ce serait L, E-L. Donc, son père, c'est Jor, et lui, c'est Al. Je trouve ça... Cal, en fait. Je trouve ça plate. Appelez-les Kalel puis Jor-El. Je trouve que ça a plus de gueule, mais bref. Qui suis-je, moi, pour critiquer la façon que les kryptoniens s'appellent? En fait, tu es Michael Michaud, ouais, terrien, légende vivante. Puis je dis ce que je veux. Bref, exactement. Voilà mon opinion, puis un peu celle de M. Castagan, qui en a inséré quelques-unes. Sur. Non, mais tu fais tellement bien ça quand tu parles de films, Mike. Je te regarde et je suis ébloui. Tu es bouche buée. Bouche buée. Voilà. Et pas bouche bée. Bouche buée. Bouche buée. Donc voilà, c'était notre critique de Man of Steel, un film de Superman. Et avant la fin de l'émission, on va vous envoyer, bien évidemment, en musique. Et qu'est-ce qu'on va aller écouter, M. Castagan? Renaud. Oui, Renaud, avec une superbe chanson de Renaud, le chanteur français, bien évidemment, et avec le Mistral gagnant. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons mecs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, de parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer, et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière, te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères, et les frères aux doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents, et les Mistral gagnants. Regardez le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous, que si moi je suis barge ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux, et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux, te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Et oui, de retour à Puissance Maximale après une chanson de Renaud, Mistral gagnant. Et des tympans percés par le Bonhomme Carnaval. Oui, et avant de vous quitter, une dernière nouvelle ludique, et on va vous parler du Humble Bundle de ce mois-ci. Oui, le Humble Bundle 6 qui a une nouveauté dans cette version-là, qui inclut des versions des jeux qu'ils vendent Android. Oh, oh, oh. Ça, c'est bien, ça. Oui. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas Humble Bundle, c'est un concept où, dans le fond, vous achetez des jeux, vous donnez le montant que vous voulez. Il y a certains titres que vous avez uniquement si vous donnez plus qu'un certain montant d'argent avec votre don. Et vous décidez de la répartition entre les développeurs indépendants, un don à Humble Bundle pour qu'ils puissent continuer à faire tout ça, et une la société Child's Play Charity qui, dans le fond, donne des jeux et des jouets à des enfants dans les hôpitaux. Voilà, donc toujours un bon concept, Humble Bundle. On aime bien ça, Puissance Maximale. Et là, en plus, Android. Toujours le fun d'avoir quelques petits jeux comme ça sous la main en cas d'autobus en retard, demi non ponctuel ou d'attente à l'hôpital. Exactement. Donc, pour le Humble Bundle qui finit dans 5 jours, on peut avoir Frozen Synapse, Broken Sword, Director's Cut, Aquaria, Fractal, Organ Trail, Director's Cut, Stilled Bastard, Deluxe, McPixel, qui est un jeu que j'ai vu sur Internet où c'est un jeu point and click parodiant MacGyver. D'accord. En fait, il faut faire du point and click puis se sortir de situations fâcheuses en pixels et, ma foi, très drôle. Waking Mars, Night Sky et Pulse, qui est exclusivité en Android. Donc, si vous achetez le pack, vous allez avoir ça. Et pour avoir tout ça, vous devez payer minimum $4.85. Ouf, $4.85, Andrew. C'est un gros montant. Mais est-ce que j'ai l'argent pour ça? Donc, c'est vraiment pas cher pour avoir... Il n'y a pas de DRM. C'est compatible Windows, Mac, Linux et maintenant Android. Wouhou! On est heureux, mesdames et messieurs. Vous pouvez vous chercher ça donc sur Humble Bundle. En même temps, ben, c'est souvent des jeux indie game. Fait que, ouais. Ça permet de faire des belles découvertes. Effectivement. Donc, vous pouvez vous y rendre pour faire ce bel achat. Et maintenant que cette nouvelle a été dite, M. Castegan, c'est maintenant la fin de Puissance Maximale cette semaine. Et oui, mesdames et messieurs, c'est déjà terminé, une autre belle émission de terminée. Je veux remercier M. Castegan d'avoir été là comme à chaque semaine. Merci Andrew d'avoir été là. Un plaisir. Et mon nom à moi est Michael Michaud, votre animateur. Toujours un plaisir d'être là chaque semaine pour vous parler jeux et geek. Univers geek, bien évidemment. Et on vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour écouter toutes nos anciennes émissions, podcast, lire nos nouvelles et plein d'autres choses. Vous allez également sur Facebook, vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche, vous allez nous trouver très facilement, vous appuyez sur le petit bouton j'aime, parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs, vous pouvez grâce à ça avoir des nouvelles en exclusivité et aussi profitez-en pour aller faire un petit don sur le site Indiegogo pour l'émission Puissance Maximale, pour nous permettre de faire l'achat de matériel et pour le site internet, on rappelle bien évidemment qu'on demande ça parce qu'on fait tout ça bénévolement ici à l'émission et quand on sort de Québec, c'est toujours à nos frais. Pas qu'on se plaint, on aime ça faire ça. Même petit coup de pouce, ce serait très apprécié. On rappelle également que ce n'est pas relié à la station Sekaya, mais bien seulement pour Puissance Maximale. Et, comme à notre habitude, nous vous souhaitons une excellente... bonne semaine de jeu. Et voilà, tu m'as coupé. Oui. Et c'est bon. J'attendais juste ça, mais je me rappelais plus si tu disais excellente ou bonne. On dit tout. Peu importe excellente ou bonne, ça prend une semaine de jeu. Donc, on va leur commencer une roule, on va dire bonne. OK. Donc, on vous souhaite une bonne semaine de jeu. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb. When I'm not out with my girlfriend, it's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. No. It's D&D! Warriors who terrify. It's D&D! Virgins! Till the day we one, two, three, four, down.